Maintenant, dans la deuxième partie, le sujet, c'est la déprogrammation karmique. On a parlé de la pensée dans la première partie, des égrégores, des influences. On est évidemment soumis à beaucoup d'influences. Et évidemment, on parle aussi de programmation astrale ou astrologique. Et puis, on sous-entend dans ce fait de la programmation-là qu'on est bombardé par certains types de pensées qui sont en accord avec une dimension qui, il y a des réincarnations ou à des vies antérieures ou des choses du genre qui, dans une vie, doivent aujourd'hui se déprogrammer. Est-ce que il est possible qu'une personne qui se conscientise doive affronter toutes les pensées qui sont liées à sa programmation? Une personne qui se conscientise éventuellement en arrive à transmuter tous les aspects de son être qui sont connectés, reliés avec l'expérience de l'âme. L'âme qui est un accumulateur d'expériences, d'impressions, de mémoire, au cours de l'évolution, lorsque l'homme passe à une évolution de conscience, toute cette énergie-là doit être transmutée et les pensées qui sont les véhicules de l'expérience au niveau psychique, au niveau du mental, sont les substances, les énergies, les formes qui doivent être épurées pour que l'homme puisse briser le pouvoir de son périsprit sur sa conscience, sur son ego spirituel, pour que la connexion entre l'âme et son esprit intégral se fasse. Donc, ce qui empêche ça, c'est sa pensée, parce que c'est sa pensée qui personnalise sa conscience et qui lui enlève la capacité d'être ce que j'appelle intégralement intelligent, c'est-à-dire avoir une identité propre à lui-même. Et non, quand je dis propre à lui-même, je parle à lui-même dans la matière comme à lui-même sur les plans subtils, ce qui est le phénomène de fusion. Mais pour que l'homme ait une identité propre à lui-même, c'est-à-dire qu'il soit totalement intégré dans sa conscience, dans son énergie, dans ses corps subtils, il faut que la pensée soit transmutée, parce que la pensée, c'est la pensée exerce un champ de force sur ses corps subtils qui coupe la communication intégrale avec son moi universel. C'est la pensée qui crée la distorsion, la statique entre lui-même en tant qu'ego matériel et égo moronciel, autrement dit, égo unifié à sa conscience totale. Sinon, l'homme demeure un être purement matériel, ou il bénéficie simplement d'un égo spirituel, mais il n'a pas un égo intelligent, c'est-à-dire un égo parfaitement intégré spirituellement et matériellement. Bon, disons, il y a beaucoup de principes qu'on absorbe au niveau de l'instruction qui semblent s'appliquer à tout le monde. On a l'impression que ça s'applique de la même façon. Quand ça atterrit, cette instruction-là, dans une programmation, il y a des particularités dans les caractères, dans les comportements. Moi, pour avoir une longue expérience d'astrologie, je sais que, bon, une vierge, ça réagit pas comme un gémeau, que certaines structures planétaires chez des gens les amènent à des champs d'expérience qui sont plus violents que d'autres, qui sont plus, disons, artistiques comme tels. Est-ce que quand on parle d'instruction puis de dynamique de l'esprit, on peut regarder l'instruction ou le phénomène de pas croire, le phénomène de c'est pas nous autres qui pensent, est-ce qu'on peut le regarder avec le même œil en ayant des programmations différentes? Oui, parce que ce sont des principes universels qui ne sont pas dictés par l'expérience spirituelle ou par l'expérience matérielle, psychologique de l'homme. L'instruction ne fait pas partie de la conscience humaine évolutive. L'instruction ne fait pas partie de l'expérience spirituelle de l'homme. L'instruction ne fait pas partie de la conscience psychologique de l'ego. L'instruction, c'est le produit d'une communication intégrale entre un homme en fusion et le plan mental. Donc, l'homme en tant qu'ego ne peut pas travestir l'instruction dans le sens même de la spiritualiser, parce que l'instruction est au-delà de la conscience spirituelle, elle fait partie du plan mental. Donc, étant universel, c'est-à-dire étant éminemment l'expression d'une science universelle, cosmique, précise, du monde mental, mm-hmm. par rapport au monde spirituel, par rapport au monde matériel, cette science-là permet à l'homme, permet d'unifier les hommes dans une dans un mouvement de conscience, c'est-à-dire dans un mouvement d'intelligence qui s'applique à tous les hommes sur la Terre au cours de l'évolution. Mm-hmm. On peut pas prendre une partie de l'instruction et dire, bon, mais ça, c'est bon pour une catégorie d'hommes, mais c'est pas bon pour une autre catégorie d'hommes. Mm-hmm. Si l'instruction est une science spirituelle, oui. Si l'instruction est une science matérielle ou psychologique, oui. Mais l'instruction s'applique pas simplement à la race blanche, à la race noire, elle s'applique à toutes les races. Elle fait partie d'une descente de lumière suffisamment raffinée pour exiger d'une conscience en évolution, que ce soit sur la Terre ou sur une autre planète, un comportement psychique intégral. Donc, quand vous rencontrez des êtres qui ont un certain niveau de conscience, quelle que soit leur race, leurs origines, leur expérience antérieure, vous vous apercevez toujours qu'ils savent la même chose que vous. Vous vous apercevez toujours qu'ils comprennent la même chose que vous, à différents rythmes, dans différents temps. Mais ultimement, il y a une convergence de conscience individuelle vers un point de rencontre qui fait partie de la conscience vibratoire. Qu'est-ce que c'est la qualité de convergence d'une instruction moroncielle ou d'une instruction planétaire? C'est que elle mène éventuellement l'homme à une conscience vibratoire. Quand l'homme a une conscience vibratoire, il n'y a plus de conscience psychologique. Comme conscience fondamentale. Il n'y a plus de conscience spirituelle comme conscience fondamentale. Mm-hmm. La conscience vibratoire, c'est la mise en vibration de son rayon. Puis cette mise en vibration du rayon, mais ça c'est universel, ça fait partie des plans cosmiques de sa conscience, comme des plans cosmiques de toute conscience. Puis éventuellement, les hommes s'unifient, non pas idéologiquement ou astrologiquement, mais il s'unifie vibratoirement. Donc, un signe comme un scorpion, un verseau, un capricorne, même s'ils ont des tendances différentes et des tempéraments différents, les principes de la conscience universelle vont s'appliquer à eux, mais de façon différente, mais toujours dans la même proportion d'état. Mm-hmm. Une proportion d'état, ça veut dire que éventuellement un gémeau, un capricorne, n'importe quel homme va passer au-delà de la roue astrologique, mm-hmm. pour rentrer dans une conscience vibratoire. C'est ça, dans le fond, une conscience vibratoire. Une conscience vibratoire, c'est une conscience où les caractéristiques psychologiques du signe n'interfèrent plus avec la lumière. Ce qui n'a jamais pu être fait durant l'évolution, parce que pendant l'évolution, l'homme qui était en évolution de conscience ou à la recherche de quelque chose, de ce qu'il appelait dans le temps la vérité, c'était toujours conditionné à son tempérament astrologique. Mm-hmm. Alors que dans l'évolution future, l'homme ne sera pas à la recherche de la vérité. Il ne pourra plus, d'ailleurs, être à la recherche de la vérité. Parce que l'instruction, elle sous-tend la conscience spirituelle, comme elle soutient la conscience psychologique de l'ego, donc conscience matérielle, pour la simple raison qu'elle est imbriquée dans le mouvement vibratoire de sa propre lumière. Mm-hmm. Et c'est ça qui va donner à l'homme une conscience universelle, quelle que soit sa race, sa compétence psychologique, ses caractéristiques astrologiques, ainsi de suite. C'est ça, mm-hmm. qui va faire que la conscience universelle, la conscience supramentale, appelez ça comme vous voulez, sera perceptible par des hommes venant de différents coins du monde ou appartenant à différentes races, pour créer finalement un bassin de conscience universelle qu'on appellera dans ce temps-là la sixième race racine. Une race très, très différenciée de la cinquième race racine, qui était très séparée dans ses convictions et dans ses perceptions. Autrement dit, l'homme de la sixième race racine va retourner un petit peu plus vers une sorte de, mais beaucoup plus éveillé, mais vers une conscience qui était semblable à celle des Lémuriens, qui ont précédé les Atlantes. Mais cette race-là, elle a été éteinte. Et dans l'évolution de la race racine, de la sixième race racine, l'homme reconnaîtra avec des effluves de cette race-là, mais à des niveaux beaucoup plus avancés, au niveau science, au niveau gouvernement, science de la planète, science des royaumes, science des autres mondes parallèles, puis des autres planètes aussi. Mais ça sera basé sur le développement d'une conscience vibratoire. Puis la conscience vibratoire, ça ne se comprend pas psychologiquement. Un homme qui n'a pas une conscience vibratoire ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est. Donc la conscience vibratoire, c'est le résultat d'une grande et profonde transmutation des forces de l'âme, permettant ainsi la fusion avec l'esprit, donc l'unification avec l'invisible du mental, pour donner à l'homme sur la Terre une pleine maîtrise de ses moyens humains. Mm-hmm. Tant que l'homme n'aura pas pleine maîtrise de ses moyens humains, c'est-à-dire de ses émotions et de son mental, l'homme ne pourra pas avoir sur la Terre une pleine maîtrise de la Terre, de sa vie matérielle. Mm-hmm. Et c'est la conscience vibratoire qui lui donnera ça. La conscience vibratoire, ça fait réellement partie du secret occulte de l'homme. Ça fait partie du secret de sa fusion. Ça fait partie de l'ascendance de sa conscience sur la conscience des autres races. Un homme qui a une conscience vibratoire prend conscience, sans le réaliser nécessairement, dépendant de son statut universel, mais il prend conscience de l'intelligence qu'il avait quand il était sur une autre planète avant son incarnation. Donc, si un homme vient de Saturne, ou si un homme vient de Jupiter, ou si un homme vient d'autres planètes dans le cosmos local, avant l'incarnation, quand il y a une conscience vibratoire, cette conscience vibratoire-là, elle fait partie de la même conscience qu'il avait avant. C'est pour ça qu'une fois que l'homme aura une conscience vibratoire, il ne pourra plus sentir de division dans son être, ni sur le plan matériel, psychologique, ni sur le plan spirituel de la recherche. Parce que cette conscience vibratoire-là fait partie d'une expérience de l'âme qui n'est plus conditionnée par l'expérience de la Terre, donc par la mémoire de sa race, par le conditionnement sociologique de son ego. Et c'est ça qui donnera à l'homme ce qu'il a toujours, dans le fond, recherché, cette identité matérielle, mais immatérielle à la fois, de son être. Cette incommensurabilité-là avec une infinité qui fait partie de son lien avec les forces universelles qui traitent sur des plans hiérarchiques très élevés. Parce que les hommes ne viennent pas tous de la Terre. Il y a des hommes qui viennent de la Terre, il y a des hommes qui viennent d'autres planètes. Quand je parle d'autres planètes, je veux dire sur des plans subtils d'autres planètes. Ouais. Puis il y a des hommes qui viennent d'autres planètes dans le cosmos, à l'extérieur du cosmos local. Puis donc il y a des hommes qui ont beaucoup d'expérience. Et quand ils vivent une incarnation finale qui les mène à une fusion, éventuellement, à ce moment-là, la conscience vibratoire, c'est le retour à la source. Puis ce qui est important dans le concept du retour à la source, c'est que le retour à la source, ça ne veut pas nécessairement dire le contact avec le double. Le contact avec le double, c'est l'appointement psychique du retour à la source qui, dans le fond, est le retour à sa science originale. Mais pour avoir un retour à la science originale de l'homme, donc un homme qui viendrait d'une planète très, très évoluée, puis qui s'incarne pour des raisons quelconques sur la Terre, qui est une planète très peu évoluée, pour qu'il ait accès à cette conscience-là, dont il avait quand il était en incarnation sur une autre planète, sur un autre plan, pour qu'il ait accès à ça, il faut qu'il ait contact avec le double. Okay. Donc, le contact avec le double va servir simplement à donner à l'homme la conscience précise des mécanismes subtils de son ego pensant. Donc, l'homme va connaître le phénomène de la pensée, non pas en tant qu'expérience psychologique, non pas en tant qu'expérience spirituelle, mais en tant que communication directe avec des sphères du mental qui sont très élevées, mais qui vont lui servir, qui vont lui permettre automatiquement d'accéder à sa conscience vibratoire. C'est un petit peu comme le phénomène du smart bomb au Vietnam. Mm-hmm. Pas au Vietnam, mais dans le Golfe. Ouais. L'avion, elle s'en vient, puis elle envoie une onde radar sur une cible, puis elle continue. Puis ensuite, le chasseur est en arrière, puis il vient, il lâche sa bombe, puis la bombe, elle tombe dans un genre d'entonnoir qui dirige la bombe vers la cible. Le premier avion qui crée la connexion avec la cible, ça c'est le double. Ça se fait au niveau de la pensée. Fait quand l'homme est en communication avec le double, automatiquement, le double, à cause de la pensée qui est réellement éveillée, permet ensuite à l'ego, qui est la deuxième phase du bombardement, si vous voulez, à l'ego de venir en contact avec sa cible. La cible, c'est quoi? C'est sa conscience moroncielle. C'est sa conscience universelle, qui ne peut plus perdre. Que l'homme perd quand il s'incarne parce qu'il est trop inconscient, mais qu'il avec laquelle il reconnectera quand il aura une conscience éthérique. La raison pour laquelle l'homme perd conscience, donc la raison pour laquelle l'homme vit dans une conscience égoïque totalement englobée par des paramètres ou affectée par des paramètres psychologiques qui font partie de la conscience sociale, c'est que l'homme n'a pas conscience du double. Mais une fois qu'il a conscience du double, sa pensée cesse d'être réflexive, elle devient communicative et c'est ça qui lui permet à ce moment-là d'accéder à une conscience vibratoire qui est très vaste, dépendant de son statut universel. Un homme qui a vécu dans différents mondes, pendant différents siècles puis différentes époques, effectivement a accédé à beaucoup d'expériences en tant qu'âme. Mais cette expérience-là en tant qu'âme, il faut qu'elle lui soit révélée. Dans le sens, il faut qu'il y accède. Il ne peut pas y accéder psychologiquement parce que c'est trop vaste. Il ne peut pas y accéder spirituellement parce qu'il y a trop de voiles. Pour qu'il y accède, il faut qu'il y accède à l'intérieur ou en fonction de ce que j'appelle une conscience vibratoire, c'est-à-dire une conscience qui fait partie de la conscience de ces cellules. Quand je parle de la conscience de ces cellules, je parle de la conscience de ces cellules matérielles, de la conscience de son plan éthérique et de son plan astral. À ce moment-là, l'homme a une conscience totale, une conscience intégrale, une conscience moroncielle, et il ne peut plus se sentir divisé. C'est-à-dire, il ne peut plus se sentir seul dans le cosmos, et en même temps, il ne peut plus se sentir deux, parce qu'il a intégré l'énergie du double. Le problème avec l'évolution spirituelle de l'homme, quel que soit le niveau des hommes qui ont développé énormément dans cette direction, comme Steiner, c'est qu'à un certain moment donné, les mondes spirituels deviennent pour eux trop importants. Puis ce ne sont pas les mondes spirituels qui sont importants pour l'homme. C'est pas le plan matériel qui est important pour l'homme. C'est sa conscience moroncielle, c'est-à-dire sa conscience vibratoire. Une fois que l'homme a une conscience vibratoire et qu'il expérimente cette conscience-là dans la matière, il est maître de sa vie. Une fois qu'il prend sa conscience vibratoire et qu'il expérience dans les mondes spirituels, il est maître de sa vie, de son expérience dans les mondes spirituels. Mais tant qu'il n'y a pas conscience vibratoire, il va être influencé par des égrégores de vie sur la Terre ou des égrégores de vie dans les mondes spirituels. Donc, qu'on vive des égrégores dans une vie planétaire inconsciente, ou qu'on vive des égrégores quand on fait des voyages astraux, c'est la même chose. Puis d'ailleurs, c'est encore plus grave, plus dangereux, à moins d'être très très lucide comme Steiner l'était. Parce que le traiter avec les égrégores sur la Terre, autrement dit, traiter avec l'information sur la Terre, on a quand même des mécanismes psychologiques, on a des façons de se protéger. On a la droiture, on a le mensonge, on a des moyens. Sur les plans spirituels, c'est beaucoup plus difficile, ça prend beaucoup d'expérience pour pouvoir discerner entre le réel puis le faux. Puis un jour, l'homme découvrira, moi je vous le dis, mais vous pouvez pas croire ça, l'homme découvrira que même dans les mondes spirituels, il y a beaucoup d'égrégores polarisés, donc même dans le monde spirituel, vous avez le vrai et le faux. Le vrai et le faux spirituel, c'est aussi distrayant pour l'ego que ça l'est sur la Terre, parce que pour que l'ego puisse sortir du vrai et du faux, faut qu'il entre dans le réel. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre « La genèse du réel ». J'ai pas appelé ça « La genèse de la vérité ». J'ai appelé ça « La genèse du réel ». Une fois que l'homme accède au réel à cause d'une conscience vibratoire, il est capable de plonger dans la matière, comprendre la réalité de la matière, sans la polariser à cause des égrégores qui n'existent plus dans sa conscience. Puis si, pour une raison ou une autre, il expérimente contact avec des entités spirituelles, ça va être la même chose. il sera capable de voir dans le réel de ces mondes-là. Sinon, l'homme n'aura jamais de science de l'invisible, l'homme n'aura jamais de science de la matière, l'homme n'aura jamais de science intégrale, l'homme sera jamais un immortel dans sa conscience. Il demeurera toujours un mortel dans sa conscience, c'est-à-dire un être, pouvant vivre un certain nombre d'années sur le plan matériel, devant laisser un jour le plan matériel pour aller dans le plan astral, puis revenir par incarnation. Il faut que ça arrête un jour. Donc, il faut que l'homme ait une science intégrale des mondes, des sept plans. Et ça, ça va demander qu'il y ait une conscience vibratoire. Et c'est très difficile l'accès à une conscience vibratoire, non pas parce que ça prend un effort puis y arriver, il n'y a pas d'effort là, on est passé le stage de l'effort, mais parce que ça demande un extrême degré de transmutation des corps subtils, donc de transmutation du corps astral, puis du corps éthérique. Il faut que ces corps-là, un jour, soient réellement très séparés les uns des autres, alors que présentement, le corps astral et le corps éthérique chez l'homme sont très, très interpénétrés. Puis un jour, il va falloir que le corps éthérique de l'homme soit totalement séparé du corps astral pour pouvoir aller en conscience éthérique puis visiter ou venir en contact avec des intelligences ou des civilisations qui sont en évolution sur ces plans-là, qui ont dépassé l'expérience planétaire. Parce que faut pas s'imaginer que dans le cosmos, tout le monde évolue sur un plan éthérique, sur un plan matériel. Ils ont dépassé le plan matériel depuis longtemps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont si avancés. Donc, pour que l'homme en arrive éventuellement à pouvoir aller sur le plan éthérique, mais il faut qu'il résolve l'ambiguïté de sa conscience. Puis l'ambiguïté de sa conscience, elle est basée sur le fait que son corps éthérique, son corps astral sont interpénétrants. À cause de l'interprétation du corps éthérique, du corps astral, que les anciens ont toujours considéré comme une loi, comme un fait de vie, dont Steiner et tous les anciens. À ce moment-là, ça a forcé l'homme à traiter de sa conscience, de son intelligence, en fonction des plans subtils de sa conscience, donc en fonction de l'information qui venait du plan astral. Et dans l'évolution, ça va être démoli complètement, parce que l'homme va devoir, au cours de l'évolution, utiliser sa conscience vibratoire pour regarder scientifiquement ce qui se passe sur le plan matériel, regarder scientifiquement ce qui se passe dans les mondes invisibles et se créer pour lui-même seul, pas pour les autres, se créer pour lui-même seul un corps éthérique suffisamment indépendant du corps astral pour pouvoir lui-même seul, en tant qu'initié, investiguer ces mondes-là, rencontrer ces gens-là, rencontrer ces civilisations-là, puis finalement tirer et sortir l'humanité de ce que j'appelle l'involution, c'est-à-dire de cette incapacité astrale de découvrir sa doublure originelle. La doublure originelle de l'homme, elle fait partie de sa conscience vibratoire. La doublure originelle de l'homme ne fait pas partie de son corps astral. Elle fait partie de sa conscience vibratoire. Et une fois que l'homme va accéder à ça, puis faut ça, il va y accéder simplement en ayant pu voir à travers tout le jeu de la pensée qui a scindé sa conscience personnelle en deux, d'abord en le coupant de son double, de celui qui donne le rayon, qui donne accès à une conscience vibratoire, pour éventuellement en arriver à pouvoir fusionner avec ce double-là. Donc, réaliser intégralement une connexion mentale avec un principe universel de vie qu'on appelle, nous autres, les forces de lumière, pour ensuite être libre des forces de lumière, les utiliser pour son bénéfice, son bien-être, moronciel, civilisateur, cosmique, intégral et éventuellement interplanétaire. Sinon, l'homme va demeurer un être expérimental et pour certains hommes, ça ne peut plus continuer, ça. Pour certains hommes. Et les hommes pour qui ça ne peut plus continuer, mais automatiquement, effectivement, sur le plan matériel ou sur le plan éthérique ou sur le plan astral, ces êtres-là vont vivre des niveaux de conscience puis des niveaux d'expérience qui vont être totalement à l'extérieur du domaine de la conscience évolutive de la cinquième race racine ou de la quatrième race racine des Atlantes. Ça va ressembler un peu à ce que les Lémuriens ont connu, mais avec une puissance mentale très, très différente de ces gens-là dans le passé, qui manquaient la puissance mentale, et c'est à cause de ça, d'ailleurs, qu'ils ont été obligés de laisser la Terre pour survivre, sinon ils auraient été totalement détruits. Fait que le monde de la pensée, le phénomène de la pensée humaine doit être doit être mise en perspective par l'homme lui-même. Et pour le faire, il faut qu'il ait accès à une certaine conscience vibratoire, puis c'est quasiment un cercle vicieux. Il faut que sa pensée se transmute, se conscientise, devienne communicative pour que la conscience vibratoire s'installe, puis c'est quand elle s'installe qu'elle crée ça aussi. Fait que c'est un mouvement c'est un mouvement double, ça. Mm-hmm. Puis vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est qui commence en premier? Mais ce qui commence en premier, c'est la réalisation que la pensée vient d'ailleurs. Parce qu'à partir du moment où un homme commence à prendre conscience que la pensée vient d'ailleurs, il se crée une brèche, une ouverture dans ses plans de conscience. Il se crée une ouverture dans son corps astral, il se crée une ouverture dans son corps éthérique, il se crée une ouverture dans son corps mental qui est très connecté au corps éthérique. Puis éventuellement, l'homme s'aperçoit que sa conscience change très, très rapidement, puis elle change sans se disloquer, même si elle semble à certains moments créer un effet énorme de compression, parce que l'ego devient quasiment transparent. Et l'homme est habitué à travailler avec un ego, à vivre au niveau d'un ego, puis à sentir toute son expérience sur la Terre en termes de l'ego. Puis quand il se conscientise, mais ce qu'il vit au niveau de la planète, c'est moins en termes d'ego opaque. Ça devient plus égo transparent, puis c'est là qu'il vit la grosse compression, et c'est cette compression-là qui crée la transmutation, qui donne accès à la conscience vibratoire, qui augmente la relation de communication avec le double, et qui, par le fait même, augmente encore sa conscience vibratoire, jusqu'au point, un jour, où l'homme devient réellement maître de sa parole, réellement maître de la science des plans, réellement maître, mais même maître à un point tel, où il est capable de communiquer avec des entités dans les mondes spirituels, puis les aligner, puis leur ordonner, puis les mettre en vibration pour que eux, même sur ces plans-là, qui sont invisibles à sa matérialité, puissent évoluer. Ça fait partie de la fusion de l'âme. Maintenant, quand on parle de conscience vibratoire, est-ce qu'on parle d'une conscience qui déprogramme ou qui a une autre programmation? La conscience vibratoire, c'est le résultat de la déprogrammation astrologique de son moi planétaire. Est-ce que c'est une programmation, une conscience vibratoire? Une conscience vibratoire, c'est une conscience libre. Étant une conscience libre, elle crée en fonction de son genre, de son immensité, de sa grandeur, de son affinité, de son raffinement, et ainsi de suite. Fait que c'est pas qu'elle crée une programmation, c'est qu'elle est capable de créer, mais à des niveaux qui sont très, très au-delà de la programmation créative de l'évolution. Très, très au-delà de la conscience dite créative de l'homme de l'évolution. Un homme qui est dans une conscience vibratoire accède ou a accès à tous ses moyens. Tous ses moyens, ça veut dire quoi? Tous ses moyens, ça veut dire tout ce qu'il est. Tout ce qu'il est, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qu'il était. Tout ce qu'il était, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qu'il a connu comme expérience dans d'autres vies, sur d'autres planètes, dans d'autres mondes, qui aujourd'hui, pour nous autres, sont invisibles, mais qui font partie de ces évolutions antérieures. Donc, c'est une vaste agglomération, accumulation d'expertise dans des mondes universels, puis ça, il est capable de le ramener dans une incarnation matérielle à cause de la morosité de sa conscience, du contact avec le double. C'est pour ça que le contact avec le double, il est important. Il n'est pas important dans le sens technique du terme, il est important dans le sens vibratoire du terme. Mm-hmm. Est-ce que cette conscience vibratoire-là est-ce qu'elle fait partie d'un plan? La conscience vibratoire fait partie la conscience vibratoire fait partie du plan éthérique de l'homme. Un homme qui a une conscience vibratoire a un corps éthérique en grande, grande activité. Bon, est-ce qu'un plan éthérique, ça a une structure légale, une gestion bien définie de qu'est-ce qu'une chose doit se faire ou aller dans un temps quelconque? Un plan éthérique, c'est un monde. Il y a du monde sur le plan éthérique. Vous savez que... Donc, il y a des règles, des... On est habitué à penser que le monde, c'est un plan matériel. Il faut qu'on arrête ça un jour. C'est maladif, ça. Donc, le plan éthérique, c'est un monde. Comme le plan astral, c'est un monde. Il y a du monde dans le plan astral, il y a du monde sur le plan matériel, il y a du monde sur le plan éthérique. Par contre, les êtres qui sont sur le plan éthérique sont beaucoup plus évolués que les êtres sur le plan astral. Il va falloir qu'ils se corrigent dans leur façon de penser à la nature de la vie, puis à la nature de la vie. La vie, ce n'est pas ce que l'on voit. La mort, ce n'est pas ce que l'on pense. La conscience éthérique, ce n'est pas ce qu'on peut s'imaginer. Mais la conscience intégrale, c'est quelque chose qu'on peut vivre sur le plan matériel, comme on peut le vivre sur le plan astral, puis comme on peut le vivre sur le plan éthérique. Et cette conscience intégrale-là, ça ne se dissocie plus une fois que c'est fait. Parce que ça fait partie de la fusion de l'homme, ça fait partie du contact avec sa source. Ça fait partie des mystères de l'homme révélé à lui-même. Un homme qui est en conscience vibratoire n'est plus capable, en tant qu'être, de questionner la réalité. Il est dedans, il l'explique. Il n'est plus la questionner, comme l'homme de l'évolution qui était astralement commandé pouvait le faire. La question d'où est-ce qu'on vient, qu'est-ce qu'on fait ici, où est-ce qu'on s'en va, c'est absolument inexistant dans une conscience vibratoire. Parce que l'homme qui a une conscience vibratoire a déjà accès aux réponses universelles, cosmiques, de la réalité. Il est dans la réalité. Il est dans sa réalité, qui est connectée à une plus grande réalité. Donc, les questions philosophiques de l'évolution, autant pour les hommes qui ont vécu des questions philosophiques sur le plan psychologique de l'ego matériel, ou les hommes qui ont vécu des questions spirituelles, en fonction de l'ego spirituel, ces questions-là ne viennent plus à son esprit parce que il est dans son esprit, il est en relation avec son esprit. Moi, si je veux savoir quelque chose, j'ai qu'à le demander. C'est simple. Fait que si tu veux savoir quelque chose, t'as qu'à le demander, t'as plus de questions, éventuellement, parce que t'as qu'à le parler, puis ça vient à la même affaire. Mm-hmm. Fait que la question est remplacée par la parole. Un homme conscient a très peu de curiosité par rapport à l'invisible, parce que il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus d'insécurité au niveau de l'ego. On regarde un homme inconscient, on parle de lui comme quoi il a une destinée, parce qu'il a des choses à dépasser. Tout ce qu'il a à dépasser, c'est lié à sa destinée. Vous parlez de plusieurs plans dans le plan éthérique, là, plusieurs niveaux dans le plan éthérique. Est-ce que dans l'éther, est-ce qu'une personne qui passe à un registre éthérique a encore une destinée en relation avec les stages qu'il a à faire là-dedans? Le mot destinée s'applique à la Terre. Avoir une destinée, ça veut dire avoir un rendez-vous avec le karma. C'est ça, avoir une destinée. Oui, c'est ça. Quand tu as une destinée, tu as un rendez-vous avec ton karma. Quand tu n'as plus de karma, tu n'as plus de destinée. Tu es simplement en évolution rapide vers des domaines d'expérience très vastes. Moi, j'ai pas de destinée sur la Terre. Ça n'a pas de résonance dans mon mental d'avoir une destinée. Si j'étais inconscient, mais là, je pourrais dire, j'ai une destinée d'être un maître, ou j'ai destiné d'être un ingénieur, ou d'être un politicien, ou un homme d'affaires, ou un grand meneur d'hommes. Mais dans une conscience vibratoire, tu peux pas avoir de conscience de destinée. Parce que, pour trois raisons. Premièrement, parce que tu as le pouvoir de former et de formuler ta vie comme tu veux. Un homme qui est conscient, il se fait pas charrier à gauche et à droite par la programmation karmique, il n'y en a plus de karma. Donc, automatiquement, il moule sa propre vie comme il veut. Là, vous allez dire, mais il moule sa vie avec ce qu'il y a. Il moule sa vie en fonction de sa conscience vibratoire. Qui lui établit une fonction. Sa conscience vibratoire qui lui donne un pouvoir créatif à la mesure de son émancipation, de son développement, de son expérience antérieure. Puis troisièmement, mais il n'y a pas de destinée parce que avoir une destinée, ça veut dire être obligé de remplir un rôle. Un homme inconscient est obligé de remplir un rôle parce qu'il y a une conscience astrale qui le programme à cause du karma de l'évolution et de l'incarnation. Tandis qu'un homme conscient, il ne remplit pas de rôle. Mais il reste en tant qu'ego. Il reste responsable. Il va laisser des traces de break. C'est évident. Il va laisser des traces de break, mais il ne remplit pas de rôle. La conscience de remplir un rôle, la conscience de remplir un rôle, ou le désir, ou le vouloir, ou la perception de remplir un rôle, ça fait partie d'un appétit de l'ego spirituel. Un homme conscient il est intéressé à une chose sur la Terre, sur le plan matériel, ou sur le plan éthérique, ou sur le plan astral, c'est de jamais se faire chier par les forces de vie en évolution sur le plan physique, sur le plan astral ou sur le plan éthérique. Mm-hmm. Une fois que tu es capable de ne plus te faire chier, excuse l'expression, mais c'est la meilleure, fait que je ne peux pas en prendre d'autres. Une fois que vous êtes, que l'homme ne peut plus se faire manipuler par des égrégores de vie sur le plan matériel, mm-hmm. sur le plan éthérique ou sur le plan astral, à ce moment-là, il est libre. C'est-à-dire qu'il est, il a la capacité de faire ce qu'il veut en fonction de faire ce qu'il peut en fonction du taux vibratoire qu'il a dans sa conscience, de, dans sa conscience morontienne. Ça, c'est la liberté de l'homme. Si vous voulez appeler ça une destinée, c'est une destinée universelle. Mais ce n'est pas une destinée planétaire. Il ne subit pas. Il ne subit plus. Parce que le concept de destin est associé à une forme de soumission. C'est tandis ça. Que vous parlez d'une lucidité. Ouais. Autrement dit, moi, si j'avais un contact demain matin en me levant, puis ça me disait, bon, mais là, tu prends l'avion, tu t'en vas en France. Vous pouvez couper ça. Vous pouvez imaginer ce que je leur dirais. Fait que, tu sais, parce que je vis pas de conscience, je vis pas dans un ego spirituel, je vis pas dans un ego psychologique. Je vis dans un ego, j'ai un ego transparent, donc je vis dans une conscience vibratoire. Fait qu'automatiquement, je la verrais la game dans cette question-là. C'est pour ça que je dis qu'un homme conscient n'a plus de destinée. Une destinée, c'est une imposition, que ce soit une grande destinée, une petite destinée, c'est toujours une imposition. Moi, je vous pose cette question-là parce que vous nous avez souvent parlé que dans la fusion, vous n'aviez pas vraiment le contrôle sur votre corps, sur vos actes. On vous disait où aller, on vous disait quoi faire. Et puis, dans une destinée, c'est moins apparent, c'est plus abstrait, disons, mais c'est un petit peu ça qui se passe. Ben, c'est pas juste un petit peu, c'est comme ça que ça se passe. Puis vous, ben, vous avez, semble-t-il, cassé l'influence de ces forces-là. Mais vous avez été quand même, entre guillemets, stylé par ces forces-là pour devenir ce que vous êtes. C'est normal, parce qu'on peut pas, l'homme peut pas venir en contact avec ces forces-là totalement sien. Mm-hmm. Tu peux pas aller à l'université puis rentrer dans le calcul intégral tout de suite. Faut que tu passes par l'arithmétique. Ouais. Fait qu'eux autres, ils te font passer par l'arithmétique, puis ils te montrent, puis ils te montrent. Puis finalement, quand tu arrives à l'université, rendu au niveau de la maîtrise, puis du doctorat, tu es capable de prendre tes décisions toi-même. Ta thèse, c'est toi qui l'écris. Mm-hmm. Fait que pour l'initié, c'est la même chose. Après un certain nombre d'années, la thèse, c'est lui qui l'écrit. C'est plus eux autres qui l'écrivent. Ça, c'est la fusion. Mm-hmm. Ça, c'est l'intégration d'énergie. Ça, c'est long. C'est difficile. C'est très pénible, c'est très souffrant. Mais une fois que c'est fait par l'homme, à ce moment-là, bien, les hommes peuvent en bénéficier parce que l'expérience, puis tout l'immense savoir qui a été perçu dans cette souffrance-là, bon, ça sert à l'humanité. Mais ça nécessite, le contact avec ces plans-là nécessite une expérience, un apprenticeship. On devient apprenti. Parce que, oubliez pas une chose, que quand l'homme vient en contact avec des forces comme ça, il n'est pas équipé psychologiquement et spirituellement pour traiter avec la réalité. Parce qu'on a de la mémoire. Premièrement, on les aime. On les aime. Puis, autant on les a aimés au début, qui fait partie de l'ego spirituel, c'est normal de les aimer. Ton double, c'est ta source, c'est ta... On les aime. Puis, on les aime, pourquoi? Parce que dans l'évolution, ces grands êtres-là, ils ont été associés avec des niveaux de hiérarchie qui symboliquement représentaient pour l'homme le sacré. Effectivement. Mais quand ils te font chier pendant 14 ans, tu les aimes plus. Effectivement. Puis, ils peuvent pas te dire de pas les aimer. Fait qu'ils vont te faire passer dans un petit trou pour que toi-même, t'en arrives à être assez intelligent pour pas les aimer, dans le sens spirituel du terme. Mais quand même qu'ils te diraient, ben aime-moi pas, tu vas les aimer pareil, encore plus. C'est comme une femme, c'est comme un gars qui dit à son mari, un homme qui dit à sa femme, aime-moi pas, ou à sa blonde, aime-moi pas trop là. Mais c'est évident qu'on va l'aimer plus. C'est la même chose avec eux autres. Fait que là, ce que j'appelle l'initiation, c'est qu'ils te font passer des petits trous. Avec un initié, c'est facile parce qu'ils ont contrôle de tous ces plans, astral, éthérique puis physique. Mais un jour, l'initié, éventuellement, il casse. Une fois qu'il a cassé ça, il a intégré leur énergie, Puis ils vont dire, c'est ça qu'il fallait que tu fasses. Après. Après. Pas avant. C'est évident. Parce qu'avant, ça leur a rien fait. Mais après, quand t'en as bavé, puis t'en as bavé avec eux autres, comme ils peuvent faire baver un initié, il n'y a rien, il n'y a pas d'être sur une planète qui souffre plus qu'un initié avec eux autres. Quand on comprend la game après tant d'années, deux cycles de vie de 7 ans, où ils t'ont testé là, à l'os, mais à ce moment-là, le tes aïe assez que s'il se matérialise dans ton salon, t'es capable de dire, reste-toi le cul là, on va prendre un petit café, puis on va se parler égal à égal. Mm-hmm. Quand t'es capable de parler d'égal à égal avec les autres, là, ils sont willing de transmettre de l'information, fusionner avec toi à un autre niveau, autrement dit, rentrer dans ton corps éthérique, rentrer dans ton corps matériel, là, se rapprocher, là, t'sais, faire un. Puis après ça, ton taux vibratoire est tellement élevé à ce moment-là, ben, que là, tu as des facultés moroncielles. C'est-à-dire que tu es capable de faire des choses sur le plan matériel, sur le plan éthérique, sur le plan astral, qui fait partie de l'universalité de l'homme. Mm-hmm. Mais à ce moment-là, tu n'es plus capable d'astraliser ça. Mm-hmm. Parce que tu n'as plus de conscience matérielle pour astraliser, tu n'as plus de conscience spirituelle pour te prendre pour un prophète ou un moineau quelque part. Mm-hmm. Fait que tu en as assez bavé d'eux autres que tu n'es plus intéressé au pouvoir. Le pouvoir, il fait partie de toi, il fait partie mm-hmm. de cette rencontre-là. Puis, tu peux plus mettre l'humanité en danger au cours des siècles à venir. Tandis que s'il faisait pas ça comme ça, puis que la fusion se ferait avec l'homme, d'abord l'homme serait pas capable de le prendre. Automatiquement, il spiritualiserait sa relation avec les autres. Mm-hmm. Il fanatiserait avec les autres. Mm-hmm. Tu sais? Si vous lisez les œuvres les œuvres de certains initiés du 19e siècle qui sont venus en contact avec des puissances qui n'étaient pas nécessairement des puissances de lumière, mais des puissances quand même, ils disent très clairement, venir en contact avec des êtres supérieurs, c'est perdre tout son magnétisme. Tu perds tout ton magnétisme, tu deviens malade, tu peux vomir pendant 3 jours de temps. Toutes tes forces vitales sont retirées. Mm-hmm. Fait que dans le cas d'évolution, dans le cas de la conscience supramentale sur la Terre, il ne s'agit pas que l'homme vienne en contact avec ces forces-là et qu'il tombe en panne. Mm-hmm. Il s'agit qu'il vienne en contact avec ces forces-là, quand le contact se fait avec les autres, que l'homme soit capable, à cause de son nouveau taux vibratoire, d'utiliser cette énergie-là sur la Terre, sur le plan intérieur, sur le plan astral. C'est ça qui va créer les fondations d'une nouvelle civilisation. Bernard, vous nous avertissez, dans un sens, que la haine des forces, c'est quasiment un passage inévitable. Vous n'avez pas été averti de ça. Vous avez été obligé de le savoir dans votre propre expérience de vie. Vous nous le dites avant. Est-ce qu'on va pouvoir échapper ou s'il va falloir haïr de la même façon? Ah, tout le monde va pas savoir. Il n'y a personne qui va se conscientiser, qui ne va pas en arriver à haïr les forces. D'ailleurs, c'est la mesure. N'oubliez pas une chose, hein, que je ne fais pas partie de l'évolution. Ça veut dire que tout ce que je vous dis aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, c'est... ce qu'on va avoir à vivre pendant 2000 ans. C'est en opposition avec ce qu'on a su. OK. Puis, l'idée là, de savoir que l'homme conscient apprendra par lui-même, à travers son initiation solaire, à haïr les forces. Ça veut dire que l'homme aura dépassé sa nature matérielle, aura dépassé sa nature spirituelle, puis rentrera dans une nature consciente, universelle. Et pour ça, il sera obligé d'haïr les forces. Et tous les gens que je connais qui ont atteint un certain niveau d'évolution haïssent les forces un petit peu. Ceux qui aiment les forces sont réellement flyés. Puis ils vont se déflyer avec le temps. Ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans. Mais l'homme conscient qui va aller vers une grande intégration de son énergie va y aller fort. Si vous me demandez qu'est-ce que c'est l'équivalent cosmique évolutif de la haine des forces, c'est l'équivalent cosmique évolutif de l'amour des forces. L'amour des forces va créer des religions, la haine des forces créera la science. Intéressant. Fait qu'autant qu'il y a eu de religion puis de fanatisme face à des concepts de Dieu, autant il retient. Il retient. Mais pour avoir la science, il faut haïr les forces. Tu ne peux pas aimer ces êtres-là. Ce sont des êtres qui sont prépersonnels. Puis la seule raison qu'on les aime, puis que d'ailleurs, c'est difficile au début pour nous autres de les haïr. on dirait que ça va contre notre nature, parce qu'on est des êtres involutifs. On a techniquement des égos spirituels. Quand un homme est allé à l'église pendant toute sa vie, ou que tu as des races qui sont allées, qui ont été en adoration vis-à-vis du sacré pendant des siècles, haï les forces, c'est quasiment anathème, c'est quasiment anticonstitutionnel. Puis vous n'avez pas de choix. Vous n'avez pas de choix. Que vous veniez des Indes ou que vous veniez de l'Orient, vous haïrez les forces occultes de la conscience. Pour arriver à faire la différence entre haïr quelqu'un et haïr les forces. Haïr les forces, c'est absolu. Haïr quelqu'un, c'est de la stupidité. C'est relatif à notre psychologie. Là. Bon, haïr l'homme, c'est un manque de conscience. C'est les forces que l'homme doit haïr. Quand l'homme haïra les forces, il aimera beaucoup l'homme. La raison pour laquelle les hommes haïssent les hommes, c'est parce qu'ils sont trop en amour avec les forces. Ah, c'est bon ça. C'est comme si on est renversé dans attention vers l'autre. Ouais. Quand l'homme haïra les forces, grandement, il aimera l'homme énormément. Parce qu'on va savoir la manipulation que l'homme subit. Parce que vous allez savoir la manipulation que vous subissez quand vous haïssez l'homme. Quand on haït l'homme, dans le sens psychologique du terme, souvent c'est parce qu'on n'a pas une vision de sa manipulation par rapport à nous autres, donc aussi de sa fonction. Vous ne voyez pas la manipulation en vous. Oui. Et si vous la voyez, cette manipulation en vous, ce qui sera le cas chez l'homme nouveau, là vous haïriez les forces pour vous faire vibrer de même négativement par rapport à l'homme. Mm-hmm. L'amour doit être utile, d'ailleurs ça sera compris dans l'évolution, ça. Le seul reproche que je dirige vers les concepts spirituels de l'involution, qui ont été très nécessaires pendant l'involution, c'est que, parce que l'homme n'était pas prêt pour ces choses-là, c'est que on n'a jamais été expliqué que aimer les forces, c'est automatiquement anti-homme. Aimer les forces et anti-homme. Aimer les forces occultes, des plans occultes, éthériques, astro, c'est anti-homme, c'est anti-lumière. Les forces ne sont aucunement intéressées à être aimées. Les entités astrales, oui, mais je parle des forces de lumière. Quand tu tombes dans les archanges, puis ces niveaux hiérarchiques-là, ils sont pas intéressés. Parce que ça fait partie de l'évolution de l'homme. Ça fait partie de notre naïveté. Ça fait partie de notre inconscience. Pour eux autres, c'est une abomination nécessaire. C'est comme le sacré, ça. Mm-hmm. Le sacré, un jour, ça va sauter, le sacré. Ça, c'est évident. Pourquoi vous dites ça? Parce que l'homme va devenir un scientifique des mondes parallèles. Mais qu'il n'y aura plus de miracles, qu'il n'y aura plus de... L'homme va avoir une compréhension de cause à effet entre la matière, l'astral et l'éthérique. C'est abominable, le sacré. Mais il ne faut pas que je pense trop, parce que je vous ferai une crise tout de suite. C'est abominable, le sacré. Je comprends sa fonction évolutive. Je fais toujours le part des choses entre l'évolution à partir des Atlantes jusqu'à aujourd'hui, puis l'évolution, je fais la part des choses. Mais le sacré, c'est une abomination. Le sacré, c'est le signe glorieux luciférien dans le front de l'homme pour la perte de sa conscience. Tout ce qui est sacré, c'est anti-homme, c'est anti-lumière. Puis les êtres qui s'occupent de maintenir le sacré en permanence ou en... dans la conscience des humanités, ce sont des forces astrales, des forces arimaniennes. Mais l'homme ne peut pas comprendre ces choses-là tant qu'il ne viendra pas en contact avec le plan mental, donc les forces de lumière, donc tant qu'il ne comprendra pas les mécanismes subtils de la pensée. La pensée, c'est de la communication, c'est pas de la réflexion. Est-ce que la lumière a des rituels? La lumière n'a aucun rituel. Les rituels commencent dans l'astral, la conscience. Les rituels ne font pas partie des modes éthériques de la conscience moroncielle. Donc, automatiquement, les rituels ne peuvent pas coexister avec l'intelligence. Mm-hmm. Un rituel, c'est toujours une perte d'identité pour la glorification à un niveau ou à un autre, d'un ordre. Mm-hmm. Quand vous créez un rituel, vous glorifiez un ordre. Un ordre dans le sens d'une hiérarchie ou d'un ordre? Un ordre, une hiérarchie. Okay. Un rituel, ça mène toujours à la glorification d'un ordre. Que ce soit un rituel satanique qui va glorifier un ordre satanique. Que ce soit un rituel chrétien qui va glorifier une hiérarchie chrétienne, théologique chrétienne. Mm. Ou n'importe quelle religion. L'homme deviendra tellement mental qu'il n'aura aucune crainte dans sa conscience. Puis la seule raison pour laquelle le sacré existe sur la terre, c'est parce que l'homme est bourré de crainte. Mm-hmm. C'est la crainte qui crée le sacré. Puis la preuve, regardez l'évolution de notre civilisation depuis 200-300 ans, au fur et à mesure qu'on rentre dans la science, puis que la science, à son niveau matériel, est capable d'expliquer de plus en plus la loi de cause et d'effet, on s'aperçoit que les lois du sacré tombent, puis tombent, puis tombent, puis tombent, puis tombent. C'est la crainte. Mais on a réussi à faire sauter le sacré qui traitait des formes symboliques absolues de notre conscience animiste. Mais on n'a pas réussi encore à faire sauter le sacré qui traite avec des mondes moronciels qui ont le pouvoir de se matérialiser à nous autres en fonction d'une symbologie quelconque dépendant de notre état. Autrement dit, un être supérieur qui vient de ces mondes-là et qui se présenterait à l'homme, il se présenterait à l'homme en fonction de ce que l'homme est capable de reconnaître de lui. Fait que si l'homme est un bon chrétien, puis qu'il va à messe à tous les dimanches, puis qu'il y a une affinité pour Michel Archange, mais l'autre, il va se présenter à lui dans la forme symbolique de Michel Archange. OK. Mais si l'homme est réellement mental, conscient, intégré, no bullshit, au-delà du sacré, prêt à faire la guerre à l'invisible, comme moi je le fais, mm-hmm. à ce moment-là, quand il se présente à moi, il faut qu'il se présente à moi comme ils sont. Puis la façon qu'ils sont, c'est pas ce que l'homme pense. Ça a-tu l'air de ce qu'on voit dans les films? Non, là, je suis pas Richard Glenn, moi, là. Mais c'est pas ce que l'homme pense. Fait que... C'est rien d'humain. C'est rien d'humain, non. C'est rien d'humain. Non. Donc, c'est pas reconnaissable. C'est identifiable au niveau de la conscience vibratoire. OK. Faut vraiment avoir une conscience vibratoire. Ça, t'es fait dans l'os. Ouais. Une conscience vibratoire. Quand t'as une conscience vibratoire, tu parles avec eux autres sur un même plan. Puis, il n'y a pas de différenciation. Tu leur parles comme on se parle. Puis, ils peuvent pas te bullshiter. Puis, c'est des scientifiques. Ah, ben c'est évident. C'est des êtres qui ont une science absolument très vaste. On est des oiseaux, tu sais, on est réellement des moineaux. Tu sais, ça fait 100 ans qu'on a notre petite science, là, tu sais, on est passé de Edison, là, on est rendu au computer, là. 100 ans, c'est pas gros, 100 ans. Tu sais. Fait que si tu prends toute la période égyptienne jusqu'à aujourd'hui, là, 18e siècle, on n'a pas fait grand-chose, hein. Les Chinois développaient pas de canons. Tu sais. Ils ont fait des bateaux, des compas. T'sais, il ne s'est pas passé grand-chose en science jusqu'à du 18e siècle. Ouais, surtout que c'était pas... Après ça, il y a eu la révolution industrielle, là, ça a commencé. Là. Mm. Là, exponentiellement, on est rendu à ce qu'on aurait dit. Mm. Mais c'est 100 ans. 100 ans, c'est pas gros. Fait qu'imagine-toi où on va être rendu, nous autres, dans 20 000 ans. Hein? Fait faut pas être con. Il faut pas penser qu'on est smart puis qu'on est avancé. Vous avez dit, bon, on a fait la fusion de l'atome. Ben oui, bon, on n'est pas capable de dématérialiser un homme. Hein? Puis le rematérialiser, hein? Hein? On n'est pas capable de parler à quelqu'un puis de le faire matérialiser dans notre salon. Hein? Hein? Fait qu'il y a bien des affaires qu'on n'est pas capable de faire. Hein? On a de la niaiseur, Christophe. On est niaiseux, pas mal. Moi, je vais vous demander une affaire. Comment qu'un individu qui vit dans un monde aussi niaiseux de 100 ans peut affronter vibratoirement un individu qui a 20 000 ans de science dans le cadran? Conscience vibratoire! Ça suffit, ça? Ben, une conscience vibratoire, c'est une conscience universelle. Ouais. Une conscience universelle, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est une conscience qui est le résultat de l'accumulation des expériences de l'homme sur différentes planètes, dans différents temps, dans différentes époques. Fait que l'homme peut avoir vécu 75 millions dans le cosmos. Ça fait partie de sa conscience vibratoire. OK, OK. Fait que quand tu as vécu 75 millions, puis tu as une conscience vibratoire, puis tu rencontres quelqu'un dans ton salon, mais tu rencontres ta conscience vibratoire, ouais, tu es capable de parler de ce qui se passe dans les autres mondes, ça fait partie de ta conscience vibratoire. Fait que si t'es un grand scientiste quand t'étais là-bas, puis tu t'es décarné, t'es devenu petit cul-site, mais t'as pris conscience vibratoire, t'es encore au même niveau. C'est pas ton corps puis ton zizi qui fait la différence. Je l'avais oublié. On est pas coupé un peu, on est coupé pas mal. Non, mais vraiment, tu sais, la science infuse, quand on pense que ça vient des autres, quand on se rend compte que c'est notre... On va appeler ça une mémoire cosmique, là, parce que 75 000 ans, je me sens un peu payé ce soir. 75 000 ans de vécu, là, je peux comprendre qu'on accote ces êtres-là, là. Mais faut vraiment que ça rouvre le tuyau, là, parce que... C'est-tu eux autres qui l'ouvrent? C'est eux autres qui l'ouvrent. C'est eux autres qui l'ouvrent. Pourquoi on communique avec eux autres? Pourquoi on communique avec eux autres, puis ils l'ouvrent quand ils veulent, puis quand on est prêt. Ça fait partie de l'évolution de l'âme. Seulement quand ils rouvrent, bien, c'est une initiation solaire. OK. Ils disent, bon, mais la pensée, ça vient d'ailleurs. Fait que t'es, une fois qu'ils disent la pensée, ça vient d'ailleurs, tu peux plus t'abonner avec ça. Tu peux pas t'obstiner avec eux autres. Bon. Fait que ça vient d'ailleurs. C'est comme un professeur à l'université. Quand il dit 1 plus 1, ça fait 2, ça fait 2. Mm-hmm. Un jour, tu peux pas t'obstiner avec. Mais c'est la même chose avec eux autres. Ils disent la pensée vient d'ailleurs, puis ils vont te donner une preuve que ça vient d'ailleurs. Tu comprends pas comment ça vient d'ailleurs, ils vont te faire une preuve. Fait qu'ils te font des preuves, puis au fur et à mesure que tu avances, ils te font des preuves. Chacun a ses preuves. Chacun dans son initiation vit ses preuves en relation avec eux autres. Fait qu'un jour, c'est éventuellement, c'est clair et net, puis éventuellement, tu as une conscience vibratoire. Puis quand tu as une conscience vibratoire, puis là, tu es capable de venir en contact éthérique avec eux autres, puis quand tu les rencontres, ils sont pas comme nous autres. Mm. Puis ça te dérange pas. Ça te dérange pas, bandit. Parce que tu n'as pas de réflexion, tu n'as plus d'émotion, tu n'as plus de valeur comparative, tu n'es plus dans la symbologie, tu n'es plus fétichiste. Il n'y a pas de raison que les hommes nous ressalent. Dernière question. Pourquoi que les autres voudraient prendre contact avec nous autres? Ils sont obligés pour évoluer. Pour eux autres évoluer? Mm-hmm. Ils nous font évoluer, nous autres, pour les faire évoluer, eux autres. Ouais, ils sont obligés parce qu'ils sont rendus trop perfectionnés. Donc, pour évoluer plus loin, ils sont obligés de venir en contact moronciel avec nous autres. Ils n'ont pas de choix. Il faut qu'ils évoluent. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est notre imperfection qui les perfectionne? Notre contact avec les autres, conscientisé, quand ils peuvent réellement travailler avec nous autres, ça leur permet de pousser très loin leur étude de l'homme. Puis, l'homme, c'est pas une tête, un corps, puis des bottines. L'homme, c'est un corps physique, c'est un corps éthérique, c'est un corps astral, c'est un corps mental, c'est complexe. Puis eux autres, ils connectent avec ça, puis ils jouent dans ces vibrations-là. Mm-hmm. Puis il y a des plans où les différents de la conscience de l'homme peut s'actualiser. Puis ces êtres-là, c'est comme... Ces êtres-là sont la contrepartie cosmique de l'homme. Puis ils font partie de la nature de l'homme. Puis c'est leur job de créer des pensées. Une pensée, ça se crée, il faut que ça vienne de quelque part, ça vient pas de ta poche. Il faut qu'il y ait quelqu'un, c'est comme elle. Mais eux autres sont assez comme elle. Nous autres, on est la radio, puis un jour, ça s'unit, cette affaire-là. Ça, c'est la fusion. Ça fait partie de l'évolution. Mais pour que l'homme puisse le réaliser, mais il y a une transmutation, puis c'est ça la nouvelle évolution de l'humanité. Donc, c'est évident qu'une fois que l'homme va être ajusté au niveau de ses causes subtiles, mais l'homme va rentrer dans une conscience moroncielle, une conscience vibratoire très développée. Puis l'homme va devenir un immortel, dans le sens qu'il ne retournera jamais au plan astral, il va continuer sur le plan éthérique. Puis là, il va ouvrir d'autres mondes, civiliser d'autres mondes, parce que le cosmos sera civilisé à d'autres niveaux. L'homme viendra en contact avec des civilisations qui existent déjà. Puis l'homme viendra en contact avec des civilisations sur la Terre, éthériquement sur la Terre, qui existent déjà. Puis l'homme fera des choses très intéressantes, mais il faut qu'il se sorte de la petitesse de son esprit, parce que notre esprit est réellement petit.